إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant la conférence de la journée, la première conférence de la journée, et le titre de la conférence c'est les fondements et les caractéristiques du groupe sauvé. Les fondements et les caractéristiques du groupe sauvé. En arabe, c'est Al-Firqatu Najia, Simatuha wa Usuluha. C'est-à-dire, donc, comme on l'a dit, les fondements et les principes et les caractéristiques du groupe sauvé. Hier, on a fait deux conférences. Et c'était le sujet, le premier sujet c'était le statut de la sunna dans l'islam, et le deuxième sujet c'était les fondements de la sunna. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est le groupe sauvé, et vous allez voir qu'il y a une relation ou un lien entre les deux. En fait, on peut dire que c'est presque la même chose, puisque la sunna et le groupe sauvé ça a presque la même signification. Et on va comprendre pourquoi. Quand on parle du groupe sauvé, on se réfère à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, qui a été rapporté par de nombreux d'entre les sahaba. Parmi les sahaba qui ont rapporté le hadith au sujet du groupe sauvé, il y a Abu Huraira, Auf ibn Malik al-Ashja'i, Anas ibn Malik, معاوية ابن أبي سفيان، أبو أمامة الباهلي، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو، عمرو بن عوف المزني، سعد علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، حذيفة بن اليمان، النعمان بن بشير، سلمان، جابر بن سمرة، أبي ثعلبة الخشني، رضي الله عنهم، et d'autres aussi. Donc ça c'est ceux qui ont rapporté le hadith parmi les sahaba. Et il est rapporté ce hadith dans différents livres, parmi les livres des sunan. Donc on le retrouve par exemple dans At-Tirmidhi et dans Sunan Abu Daoud et dans An-Nasa'i également, dans Sunan Ibn Majah. On le retrouve dans le livre As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim. Et on le retrouve dans le Mustadrak de l'imam Al-Hakim. Et on le retrouve également dans Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. Et on le retrouve également dans d'autres livres, parmi les livres de hadith qui ont été rassemblés par les ulama. Donc parmi les termes ou les narrations de ce hadith, il y a celle d'Abu Huraira qui dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتتفرق أمتي على 73 فرقة. C'est-à-dire que les musulmans En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Huraira, il dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, ou 71 groupes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite que ma umma va se diviser en 73. Ma umma à moi va se diviser en 73. Donc ce hadith-là en particulier est rapporté dans At-Tirmidhi, le hadith 2640. Et dans le livre As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim, le hadith 66 et 67. Et le hadith numéro 4062 dans Sunan Ibn Majah. Et il est dans Al-Mustadrak de l'imam Hakim aussi. Et dans Sunan Abi Daoud, le hadith 4596, sauf avec une petite variante, il est rapporté de la façon suivante. افترقت اليهود على احدى او اثنتين وسبعين فرقه وتفرقت النصارى على احدى او اثنتين وسبعين فرقه وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه. C'est-à-dire, les juifs se sont divisés en 71 ou 72 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 sectes, et ma umma se divisera en 73 sectes. C'est rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est dans Sunan Sahih al-Tirmidhi aussi. Cheikh al-Albani a déclaré ce hadith-là comme étant Hassanun Sahih. Il est rapporté aussi dans la Musnad de l'imam Ahmad. Il a plusieurs références. Une autre narration de ce hadith, qui est une narration qu'on entend le plus souvent peut-être, ou une des plus connues, c'est celle de Auf ibn Malik al-Ashja'i. Il dit, « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة واحدة في الجنة وسبعون فرقة في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Donc selon Auf ibn Malik al-Ashja'i, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes. Une sera au paradis et 70 en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Une sera au paradis et 71 en enfer. Et il dit, je jure par, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, ma umma se divisera en 73 sectes. Une sera au paradis et 72 en enfer. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, al-jama'a. C'est-à-dire, c'est le groupe. C'est rapporté par Ibn Majah, le hadith 4063, et également le hadith 63 dans As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim, et il est rapporté aussi par Ibn Battah dans Al-Ibana, le volume 1, la page 274, et Cheikh Al-Albani, dans son commentaire du Sunan Ibn Majah, il dit, c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique. Naam. Et si vous, aussi, on peut le retrouver dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 1493. Une autre narration de ce hadith, qui est aussi célèbre, c'est la narration de Abdullah ibn Amr. Il dit, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes, ou en 72 voies. Et il dit, ma umma se divisera en 73 voies, ou en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Ils ont dit, et laquelle sera-t-elle au messager d'Allah, c'est-à-dire laquelle sera au paradis? Il a répondu, ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons, c'est-à-dire ceux qui suivent ce que je suis moi-même et mes compagnons. Dans une autre narration, il dit la même chose. Inna bani Israël iftaraqu ala 71 milla wa taftariqu ummati ala 73 milla. كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. أي نعم. Donc le cheikh il mentionne cette autre narration. Parmi les gens des fils d'Israël, il dit, se sont divisés en 71 sectes, et ma umma se divisera en 73 sectes, et elles seront toutes en enfer excepté une. Et on lui a dit, laquelle sera cette secte qui sera au paradis ou qui ne sera pas en enfer? Et il a répondu, ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et il a été déclaré Hassan, c'est-à-dire il est bon, hein, par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, et on le retrouve également dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le numéro 1348. Et il y a beaucoup d'autres exemples de cette narration-là, il y en a au moins une vingtaine de différentes narrations de ce hadith qui sont différentes, qui sont différentes, mais dans le sens que elles sont rapportées par différents sahabis, puis il y a des petites variantes d'une version à l'autre. Certaines de ces narrations-là sont, comme on l'a mentionné, authentiques, d'autres sont hassan, c'est-à-dire elles ne sont pas au même degré que celles qui sont authentiques, mais elles sont hassan et elles sont valables. On peut les utiliser comme preuve, et d'autres sont faibles, mais souvent elles confirment ce qui est mentionné ou supportent ce qui est mentionné dans les versions qui sont authentiques. Parmi certains individus aujourd'hui et certains prêcheurs, et en particulier ceux qui ont des shubuhat et qui ont des égarements ou des déviations ou des innovations dans leurs croyances ou dans leurs pratiques, il y en a qui essaient de rejeter ce hadith-là. Il y en a qui essaient de ne pas accepter ce hadith. Et les raisons pour lesquelles ils refusent de l'accepter ne sont pas, bien entendu, des raisons qui sont valables. Premièrement, parce que le hadith, on a mentionné qu'il est authentique. Donc, on n'a pas le droit de le rejeter. Et deuxièmement, ils le rejettent souvent à cause de certaines notions d'égarement qu'ils ont, qui font que ce hadith-là vient en contradiction avec leur méthodologie et leurs idéologies. Parce que ce hadith-là vient nous dire qu'il y a un groupe qui est sur la vérité et que les autres sont sur l'égarement et qu'on ne peut pas être tous diviser et prétendre suivre la vérité en même temps. Donc il y a un groupe qui est sur la vérité et d'autres qui sont sur l'égarement. Et ce hadith-là, il nous clarifie en fait lequel est le groupe qui est celui qui se tient sur la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit dans le hadith. Il nous dit, celui qui est sur ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc celui qui veut être sur ce groupe-là et qui veut être parmi ceux qui sont promis au paradis, eh bien il doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Sinon il ne fait pas partie de ce groupe. Et Parmi les arguments que certains ont ramenés pour essayer de rejeter ce hadith, j'ai entendu par exemple un argument de la part de Yusuf al-Qardawi qui disait que ce hadith-là n'était pas rapporté dans Sahih al-Bukhari. Alors il dit, le hadith il n'est pas dans Sahih al-Bukhari, donc s'il l'a pas mis dans son recueil de hadith authentique, donc ça veut dire qu'il y a un doute sur son authenticité. Et ça, ce n'est pas vrai, parce que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a rassemblé son sahih, il n'a pas eu l'intention de rapporter tous les hadiths qui étaient authentiques. Il a rapporté seulement certains des hadiths qui sont authentiques pour lui, et il les a mis dans ce hadith-là, et la umma a agréé ce livre de hadith-là, et toute la umma se sont mis d'accord sur son authenticité. Toutefois, l'imam al-Bukhari n'a pas dit, si un hadith n'est pas dans mon livre, alors il n'est pas authentique. Puisqu'il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont dans d'autres livres de hadiths et qui sont authentiques. D'accord? Donc, ça c'est très important de comprendre. Et donc, cette parole, de la part de Qardawi, elle n'est pas acceptable et n'est pas correcte non plus. Et le fait que certaines personnes, par exemple, ont essayé de mettre des doutes sur ce hadith-là, une des raisons pourquoi, c'est parce qu'ils appellent à former des groupes et des partis islamiques pour essayer de faire des activités ou des groupes d'arriver à des objectifs soi-disant islamiques. Donc, ils forment des groupes et des partis. Et le fait qu'ils entendent ce hadith-là, c'est quelque chose qui vient en contradiction avec leur méthodologie, parce que ils essaient de faire croire aux gens que l'islam appelle au multipartisme, au pluralisme, au pluralisme religieux, au pluralisme politique et autres. Et ça, c'est des idéologies qui viennent des occidentaux, des juifs et des chrétiens, des laïcs, des démocrates, des koufars en général, mais pas de l'islam, pas du Coran et de la Sunna, puisque l'islam appelle à l'unité, à l'union et à ne pas se diviser. D'accord, donc ce hadith-là vient les contrer dans ces objectifs-là qu'ils ont. Et du moment qu'ils ont établi ces groupes et ces organisations islamiques, mais que ces groupes et ces organisations-là ne sont pas toujours sur la même croyance que l'exemple des Sahaba et de la croyance, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elles viennent créer de la division entre les musulmans. Et donc, le fait pour eux d'entendre ce hadith-là, ça leur fait mal. Et ça leur crée des problèmes dans leurs objectifs et dans leurs buts. On va expliquer ça plus en détail. Inch'Allah, après avoir clarifié un peu plus au sujet de la compréhension de ce hadith. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a, comme on l'a expliqué hier, expliquer les fondements de la Sunna dans un livre qu'il a écrit, et on en a lu une partie hier puisqu'on a lu les fondements de la Sunna. Toutefois, il y a une introduction à ce livre-là, et c'est ce qu'on va lire ensemble maintenant, inshallah. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit que aujourd'hui on remarque une chose. Et la chose qu'on remarque, c'est que dans la Ummah, il y a des divisions et de la divergence entre les musulmans. Et il y a beaucoup de groupes et de sectes contemporaines qui divergent les uns avec les autres. Des groupes et des organisations, des sectes qui divergent les uns avec les autres. Chacun appelle à une voix et chacun prétend que son groupe ou que son organisation ou que sa voix, c'est elle qui est meilleure que l'autre. Et donc, parfois tu vois que le musulman qui est ignorant, lorsqu'il observe cette réalité-là, il devient confus et il ne sait pas qui il doit suivre par la suite. C'est qui est-ce qu'il doit prendre comme modèle ou comme guide. Et lorsque quelqu'un qui n'est pas musulman entre dans l'islam, eh bien, il devient confus et mélangé, parce qu'il se retrouve devant un nombre de sectes, un nombre de groupes, un nombre de partis islamiques, Chacun prétend qu'il possède la vérité et qu'il est sur la vérité, et ils divergent les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ce nouveau musulman ou ce converti? C'est qu'il ne sait plus où se diriger et qui est-ce qui est réellement celui qui suit l'exemple de ce qui est dans le Coran et l'exemple de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne sait pas non plus comment reconnaître l'islam qui représente réellement la vie des sahaba, hein, la vie des sahaba et de ceux qui vivaient dans les trois premiers siècles bénis de l'islam. Il voit seulement, hein, en général, comme on dit, l'islam, mais il y a un instant ceux qui le représentent réellement. C'est-à-dire, il y a des gens qui se prétendent et qui se disent musulmans, mais qui parfois ne respectent pas la réalité de ce que l'islam implique ou signifie. Et le cheikh, il spécifie en disant que ça ne veut pas dire que l'islam est perdu complètement. Non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti qu'il allait préserver son livre. Il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun. Hein, nous avons fait descendre le livre et nous allons le préserver. Donc, tant que le Coran est préservé, que la sunna est préservée, eh bien, il y a toujours moyen de reconnaître et de trouver la vérité et d'être bien guidé et sur la droiture. Donc, ça c'est un point. En plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué également, comme on l'a lu dans le hadith qu'on a lu en introduction, que il y a un groupe de la Ummah qui est sauvé de l'enfer. D'accord? Et on connaît ses caractéristiques, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui me suit moi-même ainsi que mes compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il y a un groupe parmi les gens qui vont rester accrochés à la vérité de l'islam et qui vont défendre l'islam. Et on retrouve cet exemple-là dans le verset 54, dans surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillahi, wa la yakhafuna lawmata la'im. » وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, hein, c'est-à-dire il quitte sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qu'il aime et qui aime Allah, un peuple que Allah aime et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont humbles envers les croyants et puissants et fiers envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, qui ne craignent le blâme de personne quand ça concerne le fait de défendre la religion d'Allah. Ils n'ont pas peur de se faire critiquer par quiconque parce qu'ils parlent de l'islam. Hein, ils sont fiers de leur foi et ils disent qu'est-ce qu'il faut dire à haute voix et ils défendent l'islam et la vérité. Et dans un autre verset dans sourate Muhammad, le verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si vous vous détournez, il vous échangera par un autre peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. Bilal, ça va, Harry? T'as fait du sport, Harry? Eh, barakallahu fik. Naam, donc le cheikh il dit naam. C'est le groupe qu'on a mentionné dans le hadith qu'on a parlé au début. Quand on a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes, il y en a une qui va être au paradis et les autres sont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une narration, il a dit c'est Al-Jama'a. Il a dit c'est le groupe. Il n'a pas dit c'est les groupes ou les jama'at. Parce qu'aujourd'hui on a l'habitude d'entendre, quand on parle de groupe, on a l'habitude d'entendre le mot au pluriel. Alors que dans les textes, Il n'y a pas la mention de pluriel au sujet du groupe qu'on doit suivre. C'est un seul et unique groupe qu'on doit suivre. Et il n'y en a pas plus qu'un. La vérité, elle est unique. Et la preuve de ça, c'est dans un autre hadith, qui est un autre hadith très célèbre, qu'on appelle le hadith du groupe victorieux. At-Ta'ifa al-Mansoura. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. C'est-à-dire, il y aura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique, il dit ce hadith: il y a un groupe de ma umma qui va rester victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort, et ceux qui s'opposent à eux ou qui les contredisent ne leur feront aucun tort également, et ils seront ainsi jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah ou l'ordre d'Allah. Et dans une autre narration, ils seront ainsi jusqu'à ce que vienne l'heure. Hein? Donc ça veut dire que on parle d'un groupe victorieux ici, et c'est le même que le groupe sauvé, et c'est le même que le groupe dont on parle, hein, dans l'autre hadith, le groupe, hein, le groupe et le groupe victorieux, le groupe sauvé ou la secte sauvée, le groupe victorieux, c'est le même. Et ce sont qui? Ce sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est eux le groupe sauvé. Le problème souvent, c'est que les gens ignorent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas correctement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre problème aussi, c'est qu'ils ignorent l'exemple des sahaba et la croyance des sahaba et les pratiques des sahaba. Hein? Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on trouve des problèmes à comprendre ces choses-là. Mais bon, on va essayer de clarifier ça au fur et à mesure. Le cheikh, il dit ensuite: donc, maintenant qu'on a su qu'il y a un groupe parmi les musulmans qui reste sur la vérité et qui sont sur le vrai islam, hein, et le cheikh il dit en même temps, il demande que Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe-là, hein, eh bien il dit maintenant, il faut essayer de faire des efforts. Si on veut vraiment faire partie de ce groupe-là, il faut faire des efforts pour essayer de connaître c'est quoi leurs caractéristiques et qui ils sont et quels sont leurs fondements dans le but de faire partie de ces gens-là pour pouvoir se joindre à eux, et pour que ceux qui veulent entrer dans l'islam également parmi les non-musulmans, lorsqu'ils entrent dans l'islam, ils vont être capables de trouver ce groupe-là qui est le groupe sauvé et le groupe victorieux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Donc c'est pas juste suffisant de dire aujourd'hui, moi je suis musulman, ou bien je me suis converti à l'islam, et puis ça y est, c'est fini. Non, parce que le shaitan, il n'a jamais cessé de travailler depuis le début des temps pour essayer d'égarer les fils d'Adam. Et il a juré qu'il allait tout faire, qu'est-ce qu'il peut, pour les faire tomber dans l'enfer avec lui. Donc comment quelqu'un peut s'imaginer que maintenant, une fois que quelqu'un se dit musulman, ça y est, c'est fini. Il n'a plus d'épreuves, il n'a plus de tests, ou il n'y aura plus de danger pour lui de tomber dans l'égarement. Eh bien, justement, ça c'est qu'est-ce qu'on comprend dans la lecture des hadiths qu'on a lus. Qu'est-ce qu'on veut dire par le groupe sauvé? Le groupe sauvé, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Le groupe sauvé, ce sont les Sahaba. Ce sont les Tabi'in. Ce sont les Tabi'in. Et les imams, parmi les imams de l'islam et les imams du hadith. Hein? Et donc, c'est eux qui représentent le groupe sauvé. Parce qu'ils ont tous été unis sur une même croyance. Sur une même croyance en l'islam. Ils n'ont jamais divergé sur les fondements et les principes des croyances de l'islam. Donc, on va comprendre au fur et à mesure. Le cheikh, il dit que cette umma est une umma unique. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 92 dans Sourate Al-Anbiya, inna ummatukum, inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Cette umma qui est la vôtre est une umma unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et il mentionne que les Juifs et les chrétiens ont toujours essayé de faire diviser les musulmans. Et il mentionne également l'exemple des munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites. Ils ont toujours essayé de faire diviser les croyants eux aussi. Il mentionne le verset 7 dans Surat Al-Munafiqoun. قال المنافقون إذ قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. C'est-à-dire, ne dépensez pas de votre argent auprès de pour ceux qui sont auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, pour qu'il le laisse, et pour qu'il s'éloigne de lui, pour qu'il cesse de le suivre, en voulant dire s'ils vont pas trouver d'argent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont s'en aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés par la suite dans ce verset en disant وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. C'est-à-dire, mais c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. C'est lui qui a la richesse. Donc, il dit, mais les munafiqin, les hypocrites, ne comprennent pas ça. Les Juifs ont essayé de diviser les musulmans et de les faire quitter l'islam après avoir accepté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 72 dans sourate Al-Imran, wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billazi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Les Juifs avaient inventé cette ruse qui est mentionnée dans ce verset, c'est que un groupe d'entre les gens du livre ont dit, croyez en ce qui a été révélé sur les croyants, sur les musulmans, au début de la journée. Puis le soir, rejetez-le pour qu'il puisse revenir. Donc, c'est dans le but de faire douter les croyants. Par exemple, les gens de Quraysh, parmi les idolâtres, ils respectaient beaucoup les Juifs. Parce qu'ils disaient, bon, ce sont des gens qui ont reçu un livre, et ainsi de suite. Donc, les Juifs ont compris ça. Et quand ils ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait les hommes à adorer Allah seul et à suivre l'exemple, à suivre son exemple, qui est l'exemple des autres prophètes aussi, eh bien, eux, ils ont dit, et regardez les Juifs, ils acceptent l'islam le matin et le soir, ils le rejettent. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai prophète. Donc c'est une ruse qu'ils avaient inventée pour essayer de faire éloigner les gens de l'islam, ou bien aussi pour faire en sorte que les gens qui l'avaient accepté aient des doutes en islam. Et également, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils essayaient de diviser les musulmans par toutes sortes de moyens. Par exemple, parmi les Ansar, ceux qui habitaient à Médine, il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, ces deux tribus. Et entre ces deux tribus-là, il y avait toujours des guerres avant l'islam. Et ils avaient l'habitude d'écrire des poèmes, des satires, pour se moquer les uns des autres, et pour essayer de rabaisser la tribu de l'autre, et d'élever sa tribu à lui. Et donc, une fois qu'ils sont devenus musulmans, bien entendu, ils ont laissé ça de côté. Et ils sont devenus des frères qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Juifs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient, ils allaient les voir et ils leur rappelaient l'époque où ils faisaient la guerre auparavant. Et ils leur rappelaient les poèmes qu'ils avaient écrits pour se moquer de l'autre tribu, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour essayer de ranimer le feu de l'animosité et de la haine qu'ils avaient avant l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué leur ruse dans un verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. C'est-à-dire, si vous obéissez à un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous faire devenir mécréants après avoir eu la foi. Hein? Et jusqu'à ce qu'il mentionne par la suite, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Hein? L'imam, yani, le grand sahabi, Abdullah ibn Abbas, imam al-Mufassirin, turjuman al-Qur'an, quand il a expliqué ce verset-là, il a dit, c'est-à-dire le jour où des visages deviendront éclairés et d'autres visages deviendront sombres. Il a expliqué ce verset en disant, le visage des gens de la sunna, hein, et de l'unité seront illuminés et éclairés, tandis que le visage des gens de la division et de la bid'ah seront assombris. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné donc ce verset-là aux Ansar, et ils se sont fait l'accolade et ils se sont, hein, ils sont restés unis par la grâce de l'islam et ils se sont rappelés de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc les juifs ont échoué dans leur tentative de les diviser. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'être divisés dans le Coran, dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Imran, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue les preuves claires. Et dans le verset qui est juste avant, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le fait d'être unis. Et il nous a interdit la division et la divergence. Contrairement à ceux aujourd'hui qui essaient de nous appeler à former des partis et des groupes et à nous diviser dans la religion, et qui essaient de faire croire aux gens que c'est pas grave s'il y a différentes sectes ou différents groupes avec différentes croyances et différentes pratiques qui sont parfois innovées. C'est pas grave. Ils disent, ça montre la multiplicité et la diversité de l'islam. Est-ce que les sahaba étaient sur cette diversité-là? Non. Ils étaient tous unis dans leurs croyances, unis dans leurs pratiques. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si on veut faire partie du groupe qui est sauvé, il faut suivre ceux-là. Et il a dit dans un hadith qui est très célèbre, qui est le hadith de Al-Urbad ibn Sariya, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et également par l'imam Ahmad ibn Majah, et c'est un hadith sahih. Il a dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti dans ce hadith-là, il nous dit que celui qui vit parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna. Donc, lorsque vous voyez de la divergence parmi la umma, qu'est-ce qu'il faut faire? Accrochez-vous à la sunna. Et il n'a pas seulement dit accrochez-vous à ma sunna, il a ajouté par la suite, et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum. Hein? Tamassakou biha, wa addu alayha bin nawajid. C'est-à-dire, accrochez-vous à celle-ci, et mordez dedans avec vos molaires. Les dents qui sont en arrière de la bouche, c'est les plus grosses dents, les dents les plus solides. C'est un exemple qu'il nous donne pour nous dire qu'on doit se cramponner à cette sunna et ne pas se diviser. Hein? Et il nous avertit par la suite, à la fin du hadith, à propos des innovations, parce que ce sont les innovations qui amènent les divergences et qui amènent par la suite la division entre les musulmans. Et il dit également, comme on a lu au début, le hadith de la division de la Ummah. Il dit, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et ma ummah, la ummah des musulmans, la ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils ont demandé, laquelle est-ce au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que tous les groupes et les sectes qui existent aujourd'hui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? La réponse c'est non. Et c'est quoi la preuve qu'ils ne suivent pas tous l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons? C'est quoi la preuve? La preuve, c'est qu'ils divergent tous les uns avec les autres et qu'ils se contredisent tous les uns et les autres. Alors, comment ils pourraient tous être sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons? Hein? Donc, ça, c'est pas énorme. Ça, c'est pas possible. Le cheikh, il dit, et donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est qu'est-ce qui s'est produit par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé de division, c'est qu'est-ce que le prophète sallam avait annoncé. Mais ces hadiths-là sont là pour nous avertir et en même temps pour nous inciter à rester unis. Hein? Et il dit que cette division-là, elle ne s'est pas produite excepté après les trois meilleurs siècles de la Umma que le prophète sallam a mentionné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit... خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. C'est-à-dire la meilleure génération, c'est la mienne. Puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc, les ulama ont extrait de ça que les meilleures générations, c'est les trois premières générations de l'islam, les trois premiers siècles de l'islam. Et pourquoi elles sont les meilleures générations? Parce que, bien entendu, l'exemple des sahabas, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu l'islam et qui ont pris leur islam directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ceux qui ont eu la meilleure compréhension du Coran, la meilleure pratique de l'islam, la meilleure compréhension des textes, parce que leur arabe était plus pur que l'arabe de ceux qui sont venus par la suite, et ainsi de suite. Et ils ont été suivis par les tabi'in. Et les tabi'un, ce sont ceux qui ont étudié avec les sahaba. Et ils ont appris leur islam de ceux qui ont appris avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, bien entendu, il y a eu les élèves des tabi'un. Atba'u al-tabi'in. Puis ensuite, il y a eu les quatre imams, parmi les imams des madahib et les imams de Ahlus Sunnah. Donc, tous ces gens-là ont suivi cette même aqida que les sahaba ont suivi. La aqida sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Et il les a laissés alors qu'il était satisfait d'eux. Et par la suite, après ces siècles-là, les divisions et les mélanges ont commencé à se produire et à se répandre. C'est-à-dire que déjà au début, même à la fin de l'époque des Sahaba, certaines innovations ont commencé à apparaître. On a entendu déjà à l'époque des Sahaba, on a entendu parler des Khawarij, qui était la première secte qui a dévié de l'islam. On a entendu parler des Qadariyya. Hein? On a entendu parler des Shia, Rafida, avec Abdullah ibn Saba et ceux qui l'ont suivi. Donc ça, c'est des innovations qui sont apparues au début, à la fin de la vie des derniers d'entre les Sahaba, puis au début de l'époque des Tabi'in. Sauf que à ces époques-là, la bid'a était peu. Elle est dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui la suivaient. Et elle était faible. Et les gens de bid'a étaient obligés de se cacher. Parce que personne ne pouvait les écouter, puisque les gens de science étaient nombreux. Les ulama étaient nombreux. Et les gens qui étaient au pouvoir parmi les musulmans, parmi les khulafa, ils étaient forts dans leur islam. Et ils donnaient beaucoup de défense à la sunna. Et ils combattaient toutes les formes de bid'a qui apparaissaient. Et on a vu l'exemple de ça dans l'exemple des sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, et ceux qui les ont suivis par la suite, la même chose. Donc, ces innovations qui sont apparues par la suite, eh bien, elles ont été facilement écrasées. Celles qui sont apparues au début, elles ont été facilement maintenues et écrasées, mais quand les siècles ont passé, après les trois premières générations, eh bien, les innovations ont commencé à pénétrer de plus en plus et à se mélanger parmi les gens. Les sciences des koufars et les livres des koufars et les livres des philosophies des koufars, des grecs et autres, ont commencé à être traduites en arabe. Et ces choses-là ont ouvert la porte à d'autres innovations encore. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe sauvé et les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a qui sont restés fermement accrochés au vrai islam ont toujours continué à défendre et à appeler à la vérité, à clarifier aux gens la vérité et à distinguer entre le vrai et le faux. Donc ce groupe qui est sauvé, c'est le groupe qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ce groupe, il a été appelé, comme j'ai dit au tout début, par différents noms, par différentes appellations. Et on va mentionner justement quelque chose à ce sujet-là. Ahlus Sunnati wal Jama'a, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent? Lorsqu'on dit à quelqu'un « je suis sunni » ou lorsque quelqu'un dit « je suis sunni », qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Souvent, ils prennent le terme « sunni » ou le terme « sunna » dans son sens le plus large. Dans le sens que pour eux, toute personne qui n'est pas chi'i, qui ne fait pas partie des shi'a ou des rafida, eh bien pour eux c'est un sunni. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que pour eux, toute personne qui n'est pas chiite, alors il n'est pas en dehors de la sunna pour eux. Et donc, quand tu entends des musulmans qui parlent par rapport à de la sunna, tu vas voir qu'ils vont calculer des gens comme étant des sunnites. Par exemple, les soufis. Tu vas entendre des soufis, quand tu leur demandes, ils disent « moi je suis sunnite ». Tu vas entendre des khawarij, des takfiriyin, ils vont te dire « moi je suis sunnite ». Tu vas entendre des mu'tazila, les gens qui ont des croyances des mu'tazila ou des murji'a, ils vont dire « moi je suis sunnite ». Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des shi'a. Donc ils s'imaginent que parce qu'ils ne font pas partie des shi'a, ils sont sunnis. Mais être sunni, c'est beaucoup plus que ne pas être un chiite. Les chiites sont une d'entre les sectes qui ont dévié de la sunna. Mais toute personne qui a contredit les fondements de la sunna, donc ça veut dire qu'ils sont en dehors de la sunna, même s'ils se disent sunnites. Parce que être sunni, c'est beaucoup plus que de ne pas être un chiite. Le sens général de qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire d'être un sunni ou de faire partie des gens de la sunna, ça veut dire que tu t'es désavoué de toutes les sortes de bid'a. de toutes les catégories d'innovation et de bid'a qui existent. Pas seulement de la bid'a des shi'a rafida, mais de toutes les innovations et de toutes les bid'a sans exception. Hier, on a mentionné 9 fondements parmi les fondements. Par exemple, la foi, on a expliqué que la foi c'est une parole, une action et une croyance. Et on a expliqué qu'il y a des gens qui ont dévié là-dedans parmi les Khawarij, les Murji'a et les Mu'tazila. Donc ceux-là ne sont pas des sunnis. Si quelqu'un a dévié dans ce fondement-là, il n'est pas sunni. On a parlé du premier fondement que je n'ai pas mentionné, mais c'était la foi en Allah, en les anges, en les livres, en les messagers, en le jour dernier, en la prédestination. Si quelqu'un a des déviations dans ces choses-là, eh bien, il ne fait pas partie des gens de Ahl al-Sunnah. Il n'est pas sunni, même s'il se dit sunni. Donc ça exclut qui? Ça exclut les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira, les Maturidiya, parce que ils ont tous des déviations en ce qui concerne la foi en Allah. Ils ont tous des innovations en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Puisque eux, ils déforment le sens des attributs d'Allah, ou bien ils nient complètement que Allah ait des attributs. Et ils disent que ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme attribut pour Allah, c'est pas réel. C'est des choses allégoriques ou symboliques qu'il ne faut pas affirmer. Hein? Donc ça, c'est des exemples d'égarements. Si quelqu'un a ces déviations-là, il ne peut pas se prétendre être un sunnite, même s'il n'est pas un chiite. Hein? La même chose aussi pour la question de la foi. Il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui, et même parmi des groupes qui se disent sunnites, qui font le takfir des musulmans parce qu'ils font des grands péchés. Et qui déclarent les dirigeants koufars pour des grands péchés. Donc ça veut dire qu'ils sont sur une bid'a. Et donc ils ne peuvent pas être sunnites, même s'ils ne font pas partie des shi'a. La même chose sur le troisième point, c'était de ne pas déclarer quelqu'un qui fait des grands péchés comme étant kafir parmi les musulmans. Il y en a parmi les soufis et parmi d'autres groupes également qui considèrent que peu importe quel péché tu fais, ça ne fait pas diminuer ta foi et ça n'affecte pas ta foi. Donc ça veut dire que pour eux, ces gens-là sont des gens qui ont une foi qui est forte, ils ont une foi complète, même s'ils commettent des grands péchés. Ça, c'est la bid'a des murji'a. Ceux qui disent, par exemple, al-iman fil qalb, la foi, c'est dans le cœur. C'est vrai, la foi, elle a sa base dans le cœur. Tu crois en Allah, en le jour dernier, tu crois en les livres, en la prédestination, en les prophètes, en les anges, ça, tu y crois dans ton cœur. Mais ça ne s'arrête pas seulement à une foi dans le cœur. Il y a aussi le fait de le déclarer avec la langue. Que tu crois en la ilaha illallah et que tu le déclares ouvertement. Que tu également, que tu fasses des actes d'adoration, comme la récitation du Coran. Ça, c'est une parole. Ce sont des paroles. Et ça fait partie de la foi. Ça fait augmenter ta foi aussi. Il y a aussi, par exemple, le fait de faire des actes avec ton corps, tu fais la salat, tu payes la zakat, tu fais ton hajj, tout ça c'est des actes qui font partie de la foi. Donc si quelqu'un il ne fait rien de ça, il ne fait pas d'action, il ne fait pas la salat, il s'abstient pas de faire ce qui est haram, il boit de l'alcool, il mange du porc, est-ce que tu vas dire que lui il a la même foi que la foi des prophètes ou que la foi des hommes pieux et des gens qui sont vertueux? Non. Toutefois, ces gens-là, eux, ils disent non, c'est pas grave, même si je fais des péchés, la foi c'est dans le cœur. Ça, c'est des gens de bid'a. Hein? Et c'est une innovation. Il y a des gens aussi qui disent moi, j'obéis pas aux dirigeants parce que ces dirigeants sont injustes. Ça, c'est des gens qui ont contredit un autre fondement parmi les fondements de la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Tant qu'il n'a pas fait un kouf qui est clair, et que même s'il fait des péchés ou s'il fait de l'injustice, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit qu'on ne doit pas l'obéir dans le reste, qu'est-ce qu'il fait qui est bon, et de qu'est-ce qu'il nous ordonne. Donc on doit l'obéir dans le bien, et lui désobéir dans le haram. Toutefois, on ne doit pas hein, sortir contre lui ou s'opposer à lui avec les armes, de faire des révoltes ou de parler contre lui avec la langue. Puisque ça, c'est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mentionné des hadiths à ce sujet-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il y allait avoir des hommes à la fin des temps. Il a dit, « قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُسْمَانِ إِنْسِ » Leurs cœurs sont des cœurs de diables dans des corps d'hommes. Alors les sahabas ont dit, أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ? Est-ce qu'on ne doit pas combattre ceux-là au messager d'Allah ? Il a dit, là, il a dit non, tu ne dois pas les combattre. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. C'est-à-dire, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute et obéis. Même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, écoute et obéis au dirigeant. Donc, tu lui obéis dans le bien, et s'il frappe ton dos et il fait de l'injustice, il prend tes biens, c'est pas une raison pour appeler à la rébellion et à la révolte contre lui. Hein? Donc ça, c'est la bid'a des Khawarij aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent sunnis, et pourtant ils défendent tout ce qui est contraire à la sunna dans ces questions-là. Ils défendent les manifestations, ils défendent les révoltes, ils défendent les coups d'État, ils parlent contre les dirigeants sur le minbar, ils parlent contre les dirigeants dans les conférences, dans les mosquées, dans les assemblées, dans les lieux publics. Hein, ils parlent contre les dirigeants à la télévision, ou bien dans les journaux, ou dans les médias, et ils critiquent les dirigeants. Tout ça, c'est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc celui qui fait ça, il prétend être un sunni, il n'est pas sunni, même s'il se dit sunni. La même chose, il y a des gens qui, hein, bien entendu comme on l'a expliqué, qui se disent musulmans sunnites, et puis qui vont prendre leur raison et leur logique, et ils vont le placer devant la révélation. Et si tu leur mentionnes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de l'obéissance aux dirigeants, eh bien ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah non, ça c'est pas logique. Ça je l'accepte pas ça. Hein? Alors qu'il y a des centaines de hadiths à ce sujet-là, qui sont authentiques. Hein? Donc ça c'est des exemples. Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre quoi? C'est pour nous faire comprendre que la terminologie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, elle a été mal comprise. Et une des raisons pourquoi elle a été mal comprise, c'est justement parce qu'on n'a pas enseigné aux gens les fondements de la sunna, et on ne leur a pas expliqué non plus que c'est être sur la sunna, c'est de faire partie du groupe sauvé. De faire partie des gens de la sunna, ça veut dire que tu fais partie du groupe victorieux. C'est ça que ça veut dire suivre la sunna. Donc si quelqu'un, il te dit qu'il suit une secte ou un groupe, et que dans ce groupe et dans cette secte, il y a par exemple des croyances soufis, comme les gens qui, parmi les soufis, disent que Dieu est partout et dans tout, ou qui croient que les awliya connaissent l'invisible, et connaissent l'avenir, ou connaissent le raid. Ça c'est des exemples de bid'ah. Ou bien qui célèbre le Mawlid al-Nabawi, il célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ça fait pas partie de l'islam, et ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Il n'y a pas un hadith qui dit ça. Est-ce que les sahaba ont déjà fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort? Jamais. Est-ce que les tabi'in, ils ont fait ça? Jamais. Si on regarde par exemple dans Sahih al-Bukhari, est-ce que l'imam al-Bukhari a célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. L'imam muslim, est-ce qu'il a célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. L'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, est-ce qu'ils ont déjà célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. L'imam Abu Daoud, al-Sajistani, est-ce qu'il a déjà célébré? Jamais. L'imam al-Nasa'i, jamais. L'imam Ibn Majah, jamais. Tous les imams de hadith, d'Ahl Sunnah, ils n'ont jamais célébré ces choses-là. Jamais, ils n'ont jamais fait ça. Et les ulama de l'histoire islamique, ils ont expliqué que cette bid'a, elle est apparue environ 400 ans après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui l'ont inventé, cette bid'a, sont parmi les sectes hérétiques qui ont dévié de l'islam, qui sont en dehors de l'islam. C'est la secte des Ismaïliyyah, ce qu'on appelle les Ismaïlites. Lorsqu'ils dirigeaient l'Égypte, on les appelait les Fatimides, Al-Fatimiyyah. Et c'est eux qui ont inventé ces croyances-là et ces pratiques-là qui sont contraires à la Sunna. Ok? En Égypte, Naam. Et ça s'est répandu par la suite dans les autres pays musulmans. Et ça ne s'arrête pas maintenant juste à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il célèbre, mais c'est la naissance du cheikh de toutes les turcs soufiyas. Chaque fois que le cheikh d'une tariqa, c'est sa date de naissance, ils font sa fête. Et ils font le pèlerinage à sa tombe. Ou bien ils font une yani, toutes sortes d'autres bid'a avec ça, avec du shirk mélangé avec, et avec toutes sortes de superstitions. Donc celui qui fête ça et qui célèbre ça, est-ce que tu vas dire qu'il est sunni? Hein? Il n'est pas sunni. Et la même chose pour celui qui, par exemple, comme on l'a expliqué, appelle, fait la yani. Sans parler de ceux qui font réellement partie des rafidas, qui insultent les sahaba, hein, et ainsi de suite. Ça c'est clair que c'est des gens de bid'a. Hein? Et les rafidas, même que les ulama, ils disent que ce sont des gens qui ont quitté l'islam. Puisque ils ont beaucoup d'exagérations à propos des descendants de Ali radiallahu anhu. Ils croient que ce sont des êtres qui sont des dieux. Hein? Et ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils font des pèlerinages à leur tombe et ils adorent les morts. Hein? Donc ça, c'est des exemples de ça. Maintenant, le terme Ahl-Sunnah, quand on parle donc, on a dit que ce sont les Sahaba. Cheikh l'Islam, il dit que le terme Ahl-Sunnah, on veut dire par ce terme-là, les Khulafa Rashidin. Donc, tous ceux qui ont cru en les trois Khulafa Rashidin, Cheikh l'Islam dit, quand on parle d'Ahl-Sunnah, on veut dire tous ceux qui croient en les trois premiers Khulafa. Donc, on peut rentrer tous les groupes dans cette appellation-là, excepté les Rafida, parce qu'eux, ils rejettent les trois premiers Khulafa. Mais quand on parle de façon plus spécifique des gens de la Sunnah, on dit les gens du Hadith, ou les gens de la Sunnah pure. Ceux-là, ceux qui rentrent dans cette appellation-là, c'est seulement ceux qui affirment les attributs d'Allah. Et qui disent que le Coran n'est pas créé, et qu'on va voir Allah dans l'au-delà, et qui affirment la prédestination. Hein? Ceux-là sont les gens de la Sunna et du Hadith. Donc, les gens de la Sunna, ce sont qui? Ce sont les Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont pris d'eux directement leur aqidah parmi les tabi'in, et ceux qui les ont suivis par la suite. Lorsqu'on parle des gens de la Sunna, on parle de eux. Et ils ont aussi d'autres appellations. Parmi les appellations qu'on utilise pour les désigner, Al-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, comme on a parlé depuis le début, parce que ce sont les gens qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des 73 sectes qu'ils seraient tous en enfer excepté une. Et ce groupe-là, c'est le groupe sauvé. Le groupe victorieux, on les appelle aussi At-Ta'ifatul Mansoura. On les appelle aussi Ahlul Athar ou bien Al-Athariya. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils suivent les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les narrations des sahaba. Parmi les salafs, on retrouve des exemples de ça. L'exemple de l'imam Abu Hatim al-Razi. Il dit « Madhabuna wa akhtiyaruna » اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. Donc l'imam Abu Hatim al-Razi, il dit notre madhab, notre voie et notre choix, c'est de suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et de suivre les tabi'in, hein, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre ses compagnons, de suivre les tabi'in et de s'accrocher à cette voie, les gens de l'Afar, c'est-à-dire les gens qui suivent les narrations, hein, et qui suivent le hadith. Il donne l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdillah. Dans une autre place, il dit Alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Il dit, parmi les signes par lesquels on peut distinguer les gens de bid'a, c'est quoi? C'est qu'ils attaquent les gens qui suivent al-athar, les gens qui suivent le hadith, qui suivent les narrations, ils les attaquent. Ça, c'est un des signes des gens de bid'a. Et il y a aussi une autre appellation par laquelle on désigne les gens de la sunna ou ahl sunna, et c'est as-salafiyoun ou bien as-salafiyya. As-salafiyya nisbatan ila as-salaf, c'est-à-dire en arabe ça veut dire, en français ça veut dire les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. يعني السلف لغة جمع سالف والسالف المتقدم والسلف الجمع المتقدمون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كما الله سبحانه وتعالى في القرآن. Donc à ce sujet là on a beaucoup de citations de la part des ulama des salaf qui mentionnent justement le terme et l'appellation salaf. Hein? Comme par exemple l'imam al-Baraoui dans son tafsir, il dit was-salaf man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimin liyatta'iz bihim al-akharun. Donc à propos du verset 56 dans sourate az-Zukhruf, il dit que ce sont les ancêtres, les pères, c'est ceux qui nous ont précédés. Ça c'est dans la signification linguistique. En ce qui concerne la signification dans la religion, les ulama ont expliqué que as-salaf, ce sont les sahaba et les tabi'in et les tabi'in, hein, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et il y a beaucoup de clarifications à ce sujet-là. Pourquoi les ulama ils mentionnent souvent le terme salaf ou salafiyya? C'est justement pour que cette distinction-là entre les gens qui suivent la sunna et ceux qui suivent la bid'a soit plus claire. Pour que la distinction entre les gens qui suivent la bid'a et les gens qui suivent la sunna soit plus claire. Parce que sinon, quand on dit ahl sunna, les gens parfois, ils ne prennent pas d'importance à la contradiction qui existe entre les différents groupes. Mais quand on mentionne salaf et salafiyya, là, les gens commencent à faire attention plus. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, qu'est-ce que ça veut dire être salafi? Ils sont plus conscients. Ils vont chercher à comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est pour ça que maintenant tu vois des gens aujourd'hui qui disent, quand quelqu'un se dit salafi, ils disent, non mon frère, il ne faut pas se dire salafi parce que ça fait de la division. Pourquoi ils disent ça? Et pourtant quand on dit qu'on est sunni, ils ne vont pas dire la même chose. Ils ne vont pas dire par exemple, non mon frère, dis pas que tu es sunni parce que ça va faire de la division. Pourquoi ils ne disent pas ça? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça signifie d'être un sunni. Parce que s'ils avaient compris ça, ils auraient su que d'être un salafi et d'être un sunni, c'est un synonyme. Ça veut dire la même chose. Hein? Puisque lorsqu'on parle de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa sunna, et de suivre l'exemple des sahaba, la sunna des khulafa ar-rajidin, eh bien ça implique tout ça. Ça implique la même chose que d'être un salafi, puisque les salafs ce sont les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et donc ça veut dire que si ces gens-là, ils comprenaient réellement qu'est-ce que ça signifie d'être un salafi, ils n'auraient pas eu d'objection. Ou bien, ils auraient eu une objection de se dire sunni aussi, comme ils ont eu une objection de se dire salafi. Par exemple, l'imam al-Safarini, dans sa aqida, il dit « Al-muradu bi madhhab al-salaf ma kana alayhi al-sahabatu al-kiram » رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. Donc l'imam al-Safarini, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par la voie des salafs, c'est ce que suivait l'exemple des sahaba al-kiram et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, qui les ont suivis de la meilleure façon, de même que ceux qui les ont suivis, qui ont suivi les tabi'in parmi les imams de la religion, ceux que la, les gens ont témoigné qu'ils sont des guides et des, hein, des imams dans l'islam et dont on a connu la grande importance qu'ils ont eue dans la religion et que les gens ont parlé d'eux et ils ont pris la religion d'eux de génération en génération, et ceux qui n'ont jamais été accusés d'avoir suivi une innovation quelconque et qui ont eu des appellations qui sont agréées et qui n'ont pas été appelés par des surnoms ou des appellations qui ne sont pas agréées, comme l'exemple des appellations des différentes sectes, les Khawarij, les Rawafid, les Qadariya, les Murji'a, les Jabriya, les Jahmiya, tout ça c'est des différentes sectes. Et on va parler de ça puisqu'on aura une conférence sur les sectes seulement. Donc on va en parler en détail de ça, Inch'Allah. Na'am, donc, ça c'est en ce qui concerne le fait de suivre l'exemple des salaf. Et quelles sont les preuves qu'on doit suivre les salaf parmi les preuves du Coran et de la Sunna? Il y a plusieurs preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves qui sont mentionnées et que beaucoup de gens ont déjà entendu, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie « Et quiconque s'oppose au messager après que la guidance lui a été rendue claire et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. » Et quelle mauvaise destination. Dans ce verset-là, on peut remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux qui s'opposent ou qui font scission avec le messager après avoir eu la clarification. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas à mentionner ça. Il dit tout de suite après, et qui suit autre que la voie des croyants. C'est quoi la voie des croyants? Et qui sont les croyants qui sont désignés par ce verset-là? Les ulama de tafsir, ils expliquent que de suivre la voie des croyants, c'est la voie des sahaba. Les croyants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'était les sahaba. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui suit autre que la voie des croyants. Ces deux choses-là vont ensemble. C'est-à-dire, si tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'es sauvé de cette menace. Mais il y a une autre condition qui vient avec. C'est que tu suis la voie des croyants. Et les croyants, c'est la voie des... C'est qui les croyants dans ce verset? C'est les sahaba. Si tu n'as pas réuni ces deux choses-là ensemble, tu n'es pas sauvé de cette menace, hein, d'être brûlé dans l'enfer. Donc ça veut dire que c'est pas suffisant seulement juste de dire moi je suis le Coran et la Sunna. Il faut suivre aussi avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que vient la différence et la distinction qui vient trancher entre les gens de la Sunna et les gens qui ne suivent pas la Sunna. Parce que parmi toutes les différentes sectes et les différents groupes qui existent, chacun d'entre eux vont dire, nous on suit le Coran et la Sunna. Le problème c'est, comment est-ce qu'ils suivent le Coran et la Sunna? Est-ce qu'ils suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba, ou bien selon leur propre compréhension à eux? Selon la compréhension de Dhul Khuwaysira, celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, Ô Mohammed, tu n'as pas été juste, alors sois juste. Quand il a distribué le butin parmi les sahaba, il est venu, il a dit, ô Mohammed, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui et il a averti les gens à son sujet et au sujet de ses semblables. Il a dit, il sortira de cet homme des gens, vous allez, il parle aux sahaba, il dit, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Vous allez mépriser votre récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. Ça veut dire que quand vous allez voir comment eux, ils font beaucoup de prières, tellement ils font des prières, vous allez dire, nous, on ne fait rien. Quand vous allez voir comment ils jeûnent, vous allez dire, nous, on jeûne, on a, c'est comme si on n'avait pas jeûné, tellement ils jeûnent. Quand vous allez voir comment ils récitent le Coran, vous allez dire, ah, mais c'est comme si on n'avait pas récité le Coran, tellement ils récitent le Coran. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur sujet? Il a dit, ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent même pas leur gorge. Et ils sortent de la religion plus vite que la flèche qui traverse sa proie. Donc ça veut dire que c'est des gens, ils ne comprennent pas la religion. Ils font juste pratiquer sans compréhension et sans connaissance. Et par la suite, ces gens-là sont sortis contre les sahaba et ils ont combattu les sahaba en pensant qu'ils étaient en train de faire un djihad fi sabilillah. Il tuait les sahaba pour se rapprocher d'Allah, imaginez. Hein? Barakallahu fik. Wanji, barakallahu fik. Donc ça c'est l'égarement de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran et la Sunna que les sahaba. Quand Ali radiallahu anhu a décidé de faire un jugement entre deux hommes, il a choisi deux hommes pour faire des arbitres pour régler le conflit qui existait à l'époque. Ils ont choisi un témoin ou un arbitre d'un côté et un arbitre de l'autre pour juger entre eux et pour régler le conflit. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Khawarij à Ali radiallahu anhu? Ils ont dit « La hakima illallah ». Ils ont dit, en voulant dire « Il n'y a pas de juge excepté Allah ». Ali radiallahu anhu, il leur a dit, kalimatu haq uridu biha al-batil. C'est une parole de vérité, mais par laquelle ils ont voulu dire quelque chose de faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous incite à prendre des juges et des arbitres dans certaines situations et dans certains contextes pour régler des conflits. Même entre un homme et son épouse, lorsqu'il y a des conflits, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَحَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا. Un juge de sa famille, un juge de la famille de l'autre pour régler le problème. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans le Coran. Et qui va juger selon le Coran et la Sunna. Donc eux, ils ont considéré ça comme étant kufr. Et ils ont déclaré les sahaba kuffar parce que Ali radiallahu anhu a pris des juges pour régler un conflit entre eux. Donc ça c'est parce qu'ils pensaient qu'ils comprenaient mieux la religion que les sahaba qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris la religion directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba ont combattu ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, لَوْ لَاقَيْتُهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَاد. Si je les avais rencontrés ceux-là, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad a été exterminé. Et dans un autre hadith authentique aussi, il a dit khayru qatla tahta adim as-samaa tuba liman qatalahum aw qataluhu. Il a dit ce sont les gens qui sont les mieux, c'est-à-dire si tu les tues eux, c'est comme si tu as tué c'est la meilleure personne que tu peux tuer dans le monde, dans le sens que lorsque les dirigeants vont combattre les Khawarij et que toi tu es en face d'eux avec l'armée des musulmans et que tu vas les affronter dans le combat et que tu en tues parmi eux, ça c'est les meilleures choses, les meilleures personnes que tu peux tuer sous le ciel. Et il a dit touba liman qatalahum aw qataluhu, annoncer la bonne nouvelle du paradis à ceux qui les tuent ou à ceux qui se font tuer par eux. Ça c'est qui? C'est des gens qui sont musulmans, qui font la prière, qui font le jeûne, qui récite le Coran, qui garde la barbe et qui pensent qu'ils sont meilleurs que les Sahaba. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre lorsqu'ils sortent. Et c'est ça que Ali radiallahu anhu a fait. Hein? C'est ça que Ali radiallahu anhu a dit de faire. C'est ça que Ali radiallahu anhu a fait, et il les a combattus et les a écrasés. Hein? Et les Khawarij, ils continuent à sortir jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à chaque époque, il y allait avoir des cornes de ces gens-là qui allaient sortir. Et que chaque fois que ces cornes allaient sortir, elles allaient être coupées. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux vont combattre avec le Dajjal. Donc les groupes de Khawarij, ils continuent toujours à sortir. Hein? Et on les voit tout le temps apparaître de temps en temps. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les preuves également qu'on doit suivre les sahaba, il y a le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100 dans sourate At-Tawbah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ça signifie les tout premiers qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirin et les ansar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui ont été les premiers à croire dans l'islam, qui ont précédé les autres parmi les muhajirin, ceux qui ont cru à la Mecque, et les ansar, ceux qui ont cru à Médine, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et ça, c'est la plus grande réussite. Ça veut dire quoi? Parce qu'on voit dans ce verset-là que Allah, il mentionne qu'il a été satisfait des muhajirin et des ansar, mais ce n'est pas seulement des muhajirin et des ansar, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc, ça, c'est un ordre en réalité. Pour que chaque musulman suive l'exemple des muhajirin et des ansar et des premiers croyants. Puisqu'il n'y a personne parmi les musulmans qui peut dire Allah est satisfait de moi ou Allah est satisfait de nous, excepté les sahaba. Puisque c'est seulement à propos de eux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est satisfait. Et si tu veux que Allah soit satisfait de toi, la seule façon que tu peux faire en tant que musulman, c'est de suivre l'exemple de ceux-là. Et de les suivre de la meilleure façon. Et de les suivre dans tout. C'est-à-dire dans leurs croyances, dans leurs pratiques, et dans tous les autres aspects des compréhensions des textes de la religion. Donc ça fait partie des preuves qu'on doit suivre les salafs. Et que celui qui prétend être musulman, et qui est musulman mais qui ne suit pas les salafs, eh bien, soit il est complètement égaré, ou bien il est relativement égaré selon son éloignement qu'il a par rapport au salaf. Ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de, du fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des khulafa ar-rashidin, le hadith de Al-Urbad ibn Sariya. Ça, c'est une autre preuve. Le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure aussi, que la meilleure génération, c'est la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et il y a des exemples aussi, des paroles des sahaba. Hein? L'exemple des sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, il disait, « Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. » Suivez et n'innovez pas, parce que ce que vous avez reçu, ça vous suffit. Et il disait, Inna naqtadi wa la nabtadi, wa nattabi' wa la nabtadi', wa lan nudilla ma tamastakna bil athar. C'est-à-dire, nous, on suit et on n'innove pas. Et tant qu'on reste accroché aux narrations, on ne va pas s'égarer. Et Ubay ibn Ka'b, il disait, Alaykum bis sabili wa sunna, fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة خير وخير من اجتهاد في خلاف سنة وسبيل. أبي بن كعب il a dit accrochez-vous à la voie et à la sunna, parce qu'il n'y a pas un serviteur qui suit la voie et la sunna et qui se souvient d'Allah et qui a des larmes qui coulent de ses yeux à cause de la crainte qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que le feu ne lui touchera jamais. Et sachez que de faire peu dans la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup dans qu'est-ce qui est opposé à la sunna. Abul Aliya, un autre parmi les salafs, il disait عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. Accrochez-vous à la première chose que les gens suivaient avant qu'apparaissent les divisions. Et l'imam al-Awza'i, il disait اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما يسع ما وسعهم. L'imam al-Awza'i, un parmi les grands imams des salafs, il disait « Sois endurant et force-toi toi-même à être endurant sur la sunna et arrête-toi là où les salafs se sont arrêtés et dis ce que eux ont dit et arrête-toi de dire ce que ceux-là n'ont pas dit et suis la voie de ceux qui t'ont précédé parmi tes salafs salih parce que ce qui était suffisant pour eux sera suffisant pour toi. » Ça c'est clair. Et parmi les exemples de la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal ou bien une autre parole de l'imam Al-Awza'i, alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka al-qawl. C'est-à-dire que l'imam Al-Awza'i il disait suis les narrations de ceux qui ont précédé et les paroles de ceux qui ont précédé parmi les salaf, hein. عليك بآثار من سلف. C'est ça ce qu'il dit. Même si les gens te refusent ou te rejettent à cause de ça, c'est pas grave. Au moins tu t'accroches à la vérité. Et fais attention et prends garde aux opinions des hommes qui est contraire à la sunna, hein? Même si ils essaient de te l'embellir avec leurs paroles. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal il a dit أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. L'imam Ahmad il disait parmi les fondements de la sunna pour nous, c'est de s'accrocher à ce que s'accrochaient les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et de les prendre comme modèle et comme exemple et d'abandonner les innovations. Donc les salafs ils ont toujours, hein, ils ont continué tout le temps à s'accrocher à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Parmi les exemples, parmi les principes qu'on peut résumer des choses qu'on n'a pas mentionnées hier, qui fait partie des fondements de la voie des salafs, hasruhum, masdar al-talaqi fi bab al-i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa fahmihim lil-nusus ala daw ifahmi salaf as-salih. C'est-à-dire que le manhaj des salafs, c'est de se limiter dans les références et les sources qu'on utilise pour comprendre les fondements de notre croyance. On se doit se limiter au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et on doit les comprendre à la façon dont les salafs les ont compris. احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحاد. C'est qu'ils se basent sur la sunna qui est authentique dans l'aqida. Peu importe que cette sunna soit mutawatir ou ahad. Ça c'est une distinction, une classification des hadiths qui a été inventée par les gens de bid'ah, qui distingue entre un hadith qui est rapporté par un ou deux narrateurs et par un hadith qui est rapporté par une quarantaine ou plus. Et ils disent, nous on prend seulement notre aqidah dans les hadiths qui sont rapportés par plus que 40 personnes. Mais si c'est deux ou trois personnes qui l'ont rapporté, on ne l'accepte pas dans l'aqidah. Ça c'est une innovation qui a été inventée par les Mu'tazila et qui a été suivie par les Asha'ira par la suite, et certains d'entre eux. Donc les gens de la sunna ils disent non. peu importe qu'il soit mutawatir ou ahad, du moment que le hadith est sahih, on le prend. Dans l'aqida ou dans les pratiques de la religion. On ne fait pas de distinction. At-taslim bima jaa bihi al-wahy wa adam raddihi bil-aql. وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. Un autre des principes des salafs, c'est qu'ils prennent, ils se soumettent à la révélation et ils ne rejettent pas la révélation à cause de ce qu'ils pensent dans leur logique ou à cause de ce qu'ils pensent être rationnel. Et ils ne vont pas débattre ou disputer au sujet des choses invisibles ou inconnues, comme la foi en l'invisible, la foi, les questions qui ont rapport avec les attributs d'Allah, ou les noms d'Allah, ou la prédestination. On ne rentre pas dans des discussions sur ces choses-là, puisque ça fait partie de l'invisible. عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. Ne pas rentrer dans la philosophie et dans la théologie spéculative basée sur les arguments rationnel, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie, qui n'est pas basée sur c'est-à-dire d'essayer de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que c'est la prédestination, qu'est-ce que c'est ces choses-là, en se basant juste sur la philosophie et la logique. Donc ces gens-là, comme les Mu'tazila, les Jahmiya, les Ash'ara, ils mettent de côté le Coran et la Sunna, et ils disent on va se baser sur la raison et la logique et la philosophie et la théologie pour comprendre c'est qui Dieu, c'est quoi les noms d'Allah, c'est quoi les attributs d'Allah et c'est quoi la prédestination. Et ils se sont égarés à cause de ça. رفض التأويل الباطل, c'est-à-dire de refuser les fausses déformations et les fausses interprétations des attributs d'Allah. On pourrait donner des exemples, mais on en donnera plus tard, inchallah, dans d'autres conférences. Et un autre point qu'il mentionne, le cheikh, et on va terminer avec ça. الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. C'est-à-dire que les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent d'un sujet? Parfois, ils vont prendre un hadith tout seul et puis ils vont émettre un verdict. Ou bien ils vont prendre un verset tout seul et puis ils vont émettre un verdict. C'est comme ils vont prendre un verset dans le Coran puis ils vont dire on va l'appliquer celui-là tout seul. Tandis qu'il y a d'autres versets qui parle de ce même sujet-là, qui vient rajouter des règles et des conditions pour le clarifier, ce sujet. Où il y a des hadiths qui sont authentiques, il y a d'autres hadiths qui existent sur le même sujet que ce verset ou que ce hadith, qui vient rajouter des clarifications, des règles et des conditions à ce sujet-là. Donc, la voie des gens de la Sunna et des salafs, c'est de ramener tous ces textes-là ensemble, avant d'émettre un verdict. Et non pas de prendre un hadith tout seul ou un verset tout seul et puis de penser qu'à partir de ce hadith ou de ce verset, tu peux en tirer quelque chose. Puisque c'est ça qui amène beaucoup de gens à tomber dans l'égarement, malheureusement, à cause de ça. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et les frères sont arrivés en retard. Donc, c'est pas grave, Inch'Allah. On va se reprendre à la prochaine conférence, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici pour maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.